Se souvenir d'un amour passé, c'est aussi se souvenir de Dieu. C'est avoir goûté à ses fruits et au miel perdu dans l'Éden. C'est revenir à l'innocence, à une étreinte avant l'aurore, quand l'épée du devoir nous renvoyait au mensonge. Qui te liront sauront que tu as aimé, et dans mes vers ils pleureront nos trahisons, douleurs qui ont cimenté cette idylle conjugale, car il n'y a point de bonheur sans peine ni attente. Nous savions que quelque chose de Dieu nous appartenait, et qu'il pourrait encore nous appartenir si nous faisions confiance à un époux qui se livrerait sans crainte. Honnête, vulnérable étant toi, notre rencontre fut celle d'Adam et Ève qui cherchaient à retrouver le paradis. Déjà la Bible t'avait annoncé dans un verset l'épouse de bien-aimé d'un prophète. Douleurs qui ont cimenté cette idylle conjugale, car il n'y a point de bonheur sans peine ni attente. Nous savions que quelque chose de Dieu nous appartenait, et qu'il pourrait encore nous appartenir si nous faisions confiance à un époux qui se livrerait sans crainte. Honnête, vulnérable étant toi, notre rencontre fut celle d'Adam et Ève qui cherchaient à retrouver le paradis. Déjà la vie